Chapitre 27e, le Châtelet. Pour que l'on comprenne toute la portée du triomphe que venait de remporter Mirabeau, et par contre-coup la royauté dont il s'était fait le mandataire, il faut que nous disions à nos lecteurs ce que c'était que le Châtelet. D'ailleurs, un de ses premiers jugements m'a donné matière à l'une des plus terribles scènes qui se soit passée en grève dans le courant de l'année 1790. Scène qui, n'étant pas étrangère à notre sujet, trouvera nécessairement place dans la suite de ce récit. Le Châtelet, qui depuis le XIIIe siècle avait une grande importance historique, et comme tribunal et comme prison, reçut la toute-puissance qu'il exerça pendant 5 siècles du bon roi Louis IX. Un autre roi, Philippe Auguste, était un bâtisseur s'il en fut. Il bâtit Notre-Dame, ou à peu près. Il fonda les hôpitaux de la Trinité, de Sainte-Catherine et de Saint-Nicolas-du-Louvre. Il pava les rues de Paris, qui, couvertes de boue et de vase, l'empêchaient par leur puanteur, dit la chronique, de demeurer à sa fenêtre. Il avait une grande ressource à la vérité pour toutes ses dépenses, ressource que ses successeurs ont malheureusement épuisée, c'étaient les Juifs. En 1189, il fut atteint de la folie du temps. La folie du temps, c'était de vouloir reprendre Jérusalem au Soudan d'Asie. Il s'allia avec Richard Cœur de Lion, et partit pour les lieux saints. Mais avant de partir, afin que ces bons parisiens ne perdissent pas leur temps, et dans leur moment perdu, ne songeassent point à se révolter contre lui, comme à son investigation s'étaient révoltés plus d'une fois les sujets et même les fils d'Henri II d'Angleterre, il leur laissa un plan, il leur ordonna de se mettre à l'exécuter immédiatement après son départ. Ce plan était une nouvelle enceinte à bâtir à leur ville, enceinte dont, nous venons de le dire, il donnait lui-même le programme et qui devait se composer d'une muraille solide, d'une vraie muraille du XIIe siècle, garnie de tourelles et de portes. Cette muraille fut la troisième qui enveloppa Paris. Comme on le comprend bien, les ingénieurs chargés de ce travail ne prirent pas juste la mesure de leur capitale. Elle avait grossi très vite depuis Hugues Capet et elle promettait de faire craquer bientôt sa troisième enceinte comme elle avait fait craquer les deux premières. On lui tint donc la ceinture lâche, et dans cette ceinture on enferma, par précaution pour l'avenir, une foule de pauvres petits hameaux destinés à devenir plus tard des portions de ce grand tout. Ces hameaux et ces villages, si pauvres qu'ils fussent, avaient chacun sa justice seigneuriale. Or, toutes ces justices seigneuriales, qui la plupart du temps se contredisaient l'une l'autre, enfermées dans la même enceinte, rendirent l'opposition plus sensible et finirent par se heurter si singulièrement qu'elles mirent une grande confusion dans cette étrange capitale. Il y avait à cette époque un seigneur de Vincennes qui, ayant à ce qu'il paraît plus à se plaindre de ce conflit qu'aucun autre, résolut d'y mettre fin. Ce seigneur, c'était Louis IX. Car il est bon d'apprendre ceci aux petits-enfants et même aux grandes personnes, c'est que lorsque Louis IX rendait justice sous ce fameux chêne devenu proverbial, il rendait justice comme seigneur et non comme roi. Il ordonna, en conséquence, comme roi, que toutes les causes jugées par ces petites justices seigneuriales seraient, par voie d'appel, portées devant son châtelet de Paris. La juridiction du châtelet se trouva ainsi toute puissante, chargée qu'elle était de juger en dernier ressort. Le Châtelet était donc demeuré tribunal suprême. Jusqu'au moment où le Parlement, empiétant à son tour sur la justice royale, déclara qu'il connaîtrait par voie d'appel des causes jugées au Châtelet. Mais l'Assemblée venait de suspendre les Parlements. « Nous les avons enterrés tout vifs », disait la maître en sortant de la séance. Et à la place des Parlements, sur l'insistance de Mirabeau, elle venait de rendre au Châtelet son ancien pouvoir, augmenté de pouvoirs nouveaux. C'était donc un grand triomphe pour la royauté que les crimes de lèse-nation, ressortissant à la loi martiale, fussent portés devant un tribunal lui appartenant. Le premier crime dont le Châtelet eut à connaître fut celui dont nous venons de faire le récit. Le jour même de la promulgation de la loi, 2 des assassins du malheureux François furent pendus en grève, sans autre procès que l'accusation publique et la notoriété du crime. Un troisième, qui était le racoleur Fleur d'Épine, dont nous avons prononcé le nom, fut jugé régulièrement et dégradé et condamné par le Châtelet il alla, par la même route qu'il avait prise, rejoindre dans l'éternité ses deux compagnons. Deux causes lui restaient à juger, celle du fermier général Ojar, celle de l'inspecteur général des Suisses, Pierre-Victor de Besenval. C'étaient deux hommes dévoués à la cour. Aussi s'était-on hâté de transporter leur cause au Châtelet. Ojar était accusé d'avoir fourni les fonds avec lesquels la Camarilla de la Reine payait en juillet les troupes assemblées au Champ de Mars. Ojar étant peu connu, son arrestation n'avait pas fait grand bruit. La populace ne lui en voulait donc point. Le Châtelet l'acquitta sans trop de scandale. Restait Besenval. C'était lui qui avait commandé les Suisses chez Réveillon, à la Bastille et au Champ de Mars. Le peuple se souvenait que dans ces trois circonstances, il l'avait chargé, et il n'était point fâché de prendre sa revanche. Les ordres les plus précis avaient été donnés par la cour au Châtelet. Sous aucun prétexte, le roi et la reine ne voulaient que M. de Besenval fût condamné. Il ne fallait pas moins que cette double protection pour le sauver. Lui-même s'était reconnu coupable, puisque, après la prise de la Bastille, il s'était enfui. Arrêté à moitié chemin de la frontière, il avait été ramené à Paris. Aussi, lorsqu'il entra dans la salle, des cris de mort le saluèrent presque unanimement. « Besenval à la lanterne ! Besenval à la potence » hurla-t-on de tous côtés. « Silence !» crièrent les huissiers. À grand-peine, le silence fut obtenu. Un des assistants en profita. « Je demande, cria-t-il d'une magnifique voix de basse-taille, qu'on le coupe en 13 morceaux et qu'on en envoie un à chaque canton. » Mais malgré les charges de l'accusation, malgré l'animosité de l'auditoire, Besenval fut acquitté. Indigné de ce double acquittement, un des auditeurs écrivit ses 4 vers sur un morceau de papier qu'il roula en boulette et envoya au président. Le président ramassa la boulette, déroula le papier et lut le 4 suivant. Magistrat qu'il avait Ojar, qu'il avait Besenval, qu'il avait ri la peste, vous êtes du papier brouillard. Vous enlevez la tâche et la tâche vous reste. Le 4 était signé. Ce n'est pas tout, le président se retourna pour en chercher l'auteur. L'auteur était debout sur un banc, sollicitant par ses gestes le regard du président. Mais le regard du président se baissa devant lui. On n'osa point le faire arrêter. Il est vrai que l'auteur était Camille Desmoulins, le motionnaire du Palais-Royal, l'homme à la chaise, au pistolet et aux feuilles de marronnier. Aussi, un de ceux qui sortaient en foule pressée et qu'à son costume on pouvait prendre pour un simple bourgeois du Marais, s'adressant à un de ses voisins, et lui posa la main sur l'épaule, quoique celui-ci parut appartenir à une classe supérieure de la société, lui dit « Eh bien, monsieur le docteur Gilbert, que pensez-vous de ces deux acquittements ?» Celui auquel il s'adressait tressaillit, regarda son interlocuteur, et reconnaissant la figure comme il avait reconnu la voix, répondit « C'est à vous, et non à moi, qu'il faut demander cela, maître. Vous qui savez tout, le présent, le passé et l'avenir. » Eh bien moi, je pense qu'après ces deux coupables acquittés, il faut dire « Malheur à l'innocent qui viendra en troisième !» Et pourquoi croyez-vous que ce soit un innocent qui leur succédera ? Demanda Gilbert, et qui leur succédant sera puni. Mais par cette simple raison, répondit son interlocuteur avec cette ironie qui lui était naturelle, qu'il est assez d'habitude en ce monde que les bons pâtissent pour les mauvais. Adieu, maître, dit Gilbert en tendant la main à Cagliostro, car aux quelques mots qu'il a prononcés, on a sans doute reconnu le terrible sceptique. Et pourquoi adieu ? Parce que j'ai affaire, répondit Gilbert en souriant. Un rendez-vous ? Oui. Avec qui ? Avec Mirabeau, avec Lafayette ou avec la reine ? Gilbert s'arrêta, regardant Cagliostro d'un air inquiet. Savez-vous que vous m'effrayez parfois ? Lui dit-il. Au contraire, je devrais vous rassurer, dit Cagliostro. Comment cela ? Ne suis-je pas de vos amis ? Je le crois. Et soyez-en sûr, si vous en voulez une preuve, eh bien, venez avec moi. Et je vous donnerai sur toute cette négociation, que vous croyez bien secrète, des détails si secrets en effet que, vous qui vous figurez la conduire, vous les ignorez. Écoutez, dit Gilbert, peut-être vous raillez-vous de moi, à l'aide de quelques-uns de ces prestiges qui vous sont familiers, mais qu'importe. les circonstances dans lesquelles nous marchons sont si graves qu'un éclaircissement, me fût-il offert par Satan en personne, je l'accepterai. Je vous suis donc partout où vous voudrez me conduire. Oh, soyez tranquille, ce ne sera pas bien loin. Et ce sera surtout dans un lieu qui ne vous est pas inconnu. Seulement, permettez que j'appelle ce fiacre vide qui passe. Le costume dans lequel je suis sorti ne m'a pas permis de commander ma voiture et mes chevaux. En effet, il fit signe à un fiacre qui passait de l'autre côté du quai. Le fiacre s'accrocha, tous deux y montèrent. « Où faut-il vous conduire, notre bourgeois ?» demanda le cocher à Cagliostro, comme s'il comprit que, quoique le plus simplement vêtu, celui auquel il s'adressait menait l'autre où sa volonté lui plaisait de le conduire. « Où tu sais ?» dit Balsamo, en faisant cet homme une espèce de signe maçonnique. Le cocher regardait Balsamo avec étonnement. « Pardon, monseigneur, » dit-il en répondant à ce signe par un autre. « Je ne vous avais pas reconnu. » « Mais il n'en était pas ainsi de moi, » dit Cagliostro d'une voix ferme et hautaine, « car si nombreux qu'ils soient, je connais depuis le premier jusqu'au dernier de mes sujets. » Le cocher referma la portière, monta sur son siège et au grand galop de ses chevaux conduisit la voiture à travers ce dédale de rue qui menait du Châtelet jusqu'au boulevard des Filles du Calvaire. Puis de là, continuant sa course vers la Bastille, il ne s'arrêta qu'au coin de la rue Saint-Claude. La voiture arrêtée, la portière se trouva ouverte avec une rapidité qui témoignait du zèle respectueux du cocher. Cagliostro fit signe à Gilbert de descendre le premier, et descendant à son tour, « N'as-tu rien à me dire ? » demanda-t-il. « Si, monseigneur, » répondit le cocher, « je vous eusse fait mon rapport ce soir, si je n'eusse eu la chance de vous rencontrer. Parle alors. Ce que j'ai à dire à monseigneur ne doit pas être entendu par des oreilles profanes. « Oh ! » dit Cagliostro en souriant, « celui qui nous écoute n'est pas tout à fait un profane. » Ce fut Gilbert alors qui s'éloigna par discrétion. Cependant, il ne put prendre sur lui de ne pas regarder d'un œil et de ne pas écouter d'une oreille. Il vit au récit du cocher un sourire amer sur le visage de Balsamo. Il entendit les deux noms de monsieur et de Fabras. Le rapport terminé, Cagliostro tira un double louis de sa poche et voulut le donner au cocher. Mais celui-ci secoua la tête. « Monseigneur sait bien qu'il nous est défendu par la vente suprême de nous faire payer nos rapports. « Aussi n'est-ce point ton rapport que je te paye, » dit Balsamo, « c'est ta course. »« À ce titre-là, j'accepte, » dit le cocher, et prenant le louis, « Merci, monseigneur, voilà ma journée faite. » Et sautant légèrement sur son siège, il partit au grand trot de ses chevaux, faisant claquer son fouet et laissant Gilbert tout émerveillé de ce qu'il venait de voir et d'entendre. « Eh bien, » dit Cagliostro, qui tenait la porte ouverte depuis quelques secondes, sans que Gilbert songe à rentrer. « Passez-vous, mon cher docteur ?»« Me voici, » dit Gilbert. « Excusez-moi. » Et il franchit le seuil, tellement étourdi qu'il chancelait comme un homme ivre.